Le journal d'Internet sud-coréen La Voix du Peuple annonce que la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques a organisé le vent courant la grève générale d'envergure à Séoul, Incheon, Daejeon, Gwangju, Daegu, Ulsan, Busan, Jeju et ailleurs. Plus de 50 000 personnes y ont pris part. Les grévistes ont demandé l'abolition de la politique vicieuse du travail, l'arrêt de la répression de la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques et l'assurance du droit fondamental du travail des ouvriers à l'emploi irrégulier, des enseignants et des fonctionnaires.